je t'évite de danser. Allons danser. Wa mini no poe. Allons danser. Bodou et do poelo. Allons danser. Wa mini jawae. Allons danser. Boko nundo poelo. Allons danser. Wa mini jawa, jawa, jawa, jawa. Je t'invite à danser. Allons danser. Wamini Jawae. Allons danser. Wamini Doué. Allons danser. Wamini Nopoe. Allons danser. Nous irons chatoyer. Allons danser. Ou prendre le vin. Allons danser. Mais j'ai pas d'argent. Allons danser. Suis bien stylé. Jawa, jawa, jawa, ja, ja, ja. Chukucha, bano fon, bano ka, bano ze, bano du. Namaste, jaya, baka, fon, bano ze, we. Minadu, bano ji, bano je, de cha, babo, yiwe. Je, ga, shi, we, ore, ni, ma, shi, be, ru. Ekbe, we, ni, ekbe. Mina, konumo, jawai. Ekbe, we, ni, ekbe. Mina, konumo, jawai. Azandiro, manu, we, si, so, ne. Azandiro, Mina kumwa jawai, mina jawama konwe, mina kumwa jawai, mina jawama konwe. Je t'invite à danser. Allons danser. Wa mini no poe. Allons danser. Je te fais Allons danser. Tu me fais Jawa, jawa, jawa, ja, ja, ja. Wow, wow, for be fair, fair, me, nigga, you got it, fair, no, pese. What do you call it, for no, pese? Me, nigga, fair, don't go fair, fair. Aye, ye, no, ye, bo, no, do, na, no, wanko. Fair, no, do, combo, no, mumbo, no, taco. Bim, bim, master, bim, bim. Maybe, say, ni, bo, ke, bo, da, bim, bim. Yeah, yeah, yeah.